Chapitre 10. Le capitaine Bliss. L'instant d'après, Aden arrivait près de l'automobile. Eden et Charlie Chan devinèrent sur ses traits une colère contenue. Le millionnaire proféra un juron et arracha la lampe électrique des mains de Charlie. Puis il se pencha sur le cadavre affalé au fond de la voiture. À la clarté de la lampe, Bob observa sa grosse face rouge et ses yeux inquiets. Là, dans l'auto poussiéreuse, gisait le corps inerte d'un homme qui, pendant de longues années, avait servi Madden avec fidélité. Cependant, le visage du financier ne trahit ni affliction ni regret, rien qu'une rage croissante. Ceux qui affirmaient que Madden n'avait pas de cœur ne se trompaient guère, songea Bob. Madden se redressa, et la lampe électrique brusquement tournée vers le visage pâle de son secrétaire. « Un joli travail » grogna-t-il. « Qu'avez-vous à me regarder ainsi ?» dit Thorne d'une voix tremblante. « Si cela me plaît à moi, de vous regarder. Dieu sait pourtant si je suis dégoûté de votre face stupide. »« Je commence à en avoir assez, » répondit Thorne, devenu soudain furieux. Bob et Den observaient avec étonnement ces deux individus qui se mesuraient du regard. Il comprit que sous le masque cordial des relations quotidiennes, aucune amitié ne les liait. Soudain, Madden éclaira Charlie Chan. « Écoute, Hakim, cet homme était Louis Wong, le serviteur dont tu occupes la place. Maintenant, il faut que tu restes au ranch, même après mon départ. Cela te va-t-il »« Peut-être moins lester, monsieur. » »« Bien. Depuis mon arrivée dans ce maudit ranch, ta venue a été le seul événement heureux pour moi. Porte Louis dans la grande salle, sur le sofa. Je téléphone à Eldorado. » Il traversa le patio et rentra dans la maison. Après un moment d'hésitation, Chan et le secrétaire soulevèrent le cadavre de Louis Wong. Lentement, Bob Eden suivit cette lugubre procession. Dans la salle, Madden parlait au téléphone. Bientôt, il raccrocha. « Il ne nous reste plus qu'à attendre, » dit-il, « le commissaire de police et le médecin légiste. Oh, c'est du beau travail. Ils vont mettre toute la maison sens dessus-dessous. Et moi qui étais venu ici pour me reposer ?»« Sans doute, désirez-vous savoir comment cela s'est passé ?» dit Eden. « J'ai rencontré Louis en ville, au café de l'Oasis. Monsieur Holley ?» Madden l'interrompit d'un geste de sa grande main. « Oh, de grâce, réservez ces détails pour la police. Oui, en voilà du propre. » Il se mit à arpenter la salle comme un lion en proie à une rage de dents. Chan était sorti. Eden et Thorne s'assirent silencieux, devant la cheminée. Bob réfléchissait, les regards attachés aux bûches rouges. Dans quel guépier était-il venu se fourrer? Quel drame se jouait au ranch de Madden? Il aurait voulu retourner à San Francisco, loin de cette atmosphère de méfiance, de mystère et de haine. Bientôt, le ronflement d'un moteur se fit entendre dans la cour. Madden en personne ouvrit la porte et deux notables citoyens d'Eldorado se présentèrent. « Entrez, messieurs, » fit Madden qui s'efforçait de paraître aimable. « Un petit accident vient d'avoir lieu. » Un des nouveaux venus, un homme maigre au visage bronzé, s'avança. « Bonjour, monsieur Madden. Je vous connais de vue, mais je n'ai pas eu l'honneur de vous être présenté. Je suis le commissaire de police Brackett, et voici notre médecin légiste, le docteur Sims. Ne disiez-vous pas au téléphone qu'il s'agissait d'un meurtre ?»« Appelez cela comme vous voudrez. Heureusement, personne n'a été blessé. » Je veux dire, aucun blanc. Simplement mon vieux chinois, Louis Wong. » Hakim, entrant à cet instant, entendit les paroles de Madden, et son regard indigné se posa sur le visage du millionnaire. Le commissaire se dirigea vers le sofa. « Pauvre vieux Louis, il ne faisait de tort à personne. Je ne lui connaissais pas d'ennemi. » Le médecin, un jeune homme vif, s'approcha également du cadavre et commença son examen. Le commissaire Brackett se tourna vers Madden. Nous essaierons de vous causer le moins d'ennuis possible, dit-il, visiblement terrorisé par ce puissant personnage. Mais vous pouvez bien comprendre qu'il me faut procéder à un petit interrogatoire. Cela va de soi, répondit Madden. Allez-y. Pour moi, je ne puis rien vous apprendre. Je me trouvais dans ma chambre lorsque mon secrétaire, il indiqua Thorne, m'annonça que M. Eden, ici présent, venait de pénétrer dans la cour avec le cadavre de Louis dans sa voiture. Le commissaire considéra Eden avec intérêt. « Où l'avez-vous trouvé ? » demanda-t-il. « Mais il était en vie lorsque je l'ai fait monter, » dit Eden. Et il raconta son histoire. La rencontre de Louis Wong à l'oasis, la course en auto dans le désert, l'arrêt à la grille, et enfin, la macabre découverte. Le commissaire hocha la tête. « Tout cela me paraît bien mystérieux. Vous dites qu'on a dû le tuer pendant que vous ouvriez la grille ? Qu'est-ce qui vous le fait supposer ?» Louis a parlé presque tout le temps le long du chemin. Il ne cessait de marmotter. Je l'ai encore entendu lorsque je suis descendu pour ouvrir la grille. Que disait-il ? Il parlait en chinois. Le commissaire se gratta la tête. Thorne s'avança à son tour pour faire sa déposition. De sa chambre, il avait entendu du bruit dans la cour et il était venu. Il n'avait absolument rien à ajouter. Le regard de Bob Eden se porta sur la déchirure de la veste de Thorne, puis vers Charlie Chan. Mais le détective hocha la tête et ses yeux disaient « Taisez-vous ». Le commissaire se tourna ensuite vers Madden. Il voulait savoir qui se trouvait au ranch. Personne, sauf Hakim, rien à dire contre lui. Qui sait ? Rappelez-vous la lutte politique des Tongs ? Le commissaire cria d'une voix terrifiante. « Venez ici !» Hakim, détective d'Honolulu, se présenta devant le policier, le visage impassible. Combien de fois, en pareille circonstance, avait-il joué le rôle inverse et 100 fois mieux que ne le ferait jamais ce commissaire d'Eldorado ? « Avez-vous vu Louis Wong ?»« Moi, monsieur, non, moi pas connaître lui. »« Vous êtes nouveau dans le pays ?»« Moi venir vendredi dernier. » « Où travaillez-vous avant ?»« Partout, grande ville, petite ville. » « Je vous demande où vous étiez employé en dernier lieu. »« Chemin de fer, chemin de Santa Fe, moi mettez-moi par tel. » Le commissaire était à bout de ressources. Il expliqua que durant ces dernières semaines, il s'était surtout occupé de confisquer des liqueurs et qu'il avait perdu l'habitude de ces sortes d'interrogatoires. D'ailleurs, l'affaire relevait du shérif. Il l'avait averti avant de quitter Eldorado, et demain matin, il enverrait le capitaine Bliss de la brigade judiciaire. « On pourrait faire enlever le corps, » dit le médecin. « J'en terminerai l'examen là-bas. Mais peut-être aurai-je à revenir ici, demain, avec mes aides. »« Comme il vous plaira, » dit Madden. « Faites le nécessaire, et s'il y a des frais, envoyez-moi les factures. Je suis navré de cet incident. »« Moi aussi, » dit le commissaire. Louis Wong était un brave garçon, et sa mort est incompréhensible. Ma femme avait raison quand elle me dissuadait de prendre une profession qui comporte tant de tracas. Au revoir, monsieur Madden. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Lorsque Bob Eden se retira dans sa chambre, Madden et Thorne demeurèrent debout près de la cheminée. Les visages des deux hommes reflétaient une telle émotion que Bob eut bien voulu être témoin de la scène qui se préparait. Hakim l'attendait près d'un feu pétillant. « Moi, allumez feu, monsieur. » Eden ferma la porte et s'assit dans un fauteuil. « Charlie, au nom du ciel, que se passe-t-il ? » Les événements se précipitent. Voilà 2 nuits, je vous déclarais dans cette chambre même que les Chinois possédaient des dons psychiques extraordinaires et en homme bien élevé, vous vous êtes contenté de sourire. Pardonnez-moi, Chan, je suis complètement dérouté. Le crime de ce soir... Tout à fait déplorable, fit Chan pensif. Je vous conseille humblement la prudence. Les policiers du pays entrent en scène, et leurs cerveaux stupides n'admettront jamais que le meurtre de Louis ait une grande importance. Vous dites ? La mort de Louis, comme celle du perroquet, n'est qu'une nouvelle lâcheté pour cacher un autre crime, plus infâme, commis avant notre arrivée sur la scène du mystère. Avant la mort du perroquet vert, et le départ inopiné de Louis, un inconnu a été assassiné en appelant au secours. Qui ? Nous le saurons peut-être un jour. Vous pensez que Louis a été supprimé parce qu'il en savait trop loin ? Absolument. Comme Tony. Le pauvre Louis a commis la sottise de ne pas rester à San Francisco où on l'avait envoyé. Ici, on ne désirait nullement ce retour. Une chose m'intrigue. Une seule ? Oui, pour l'instant. Louis part mercredi matin. Probablement avant le crime. Comment pouvait-il savoir quelque chose ? Le meurtre a-t-il eu un écho à San Francisco ? Je regrette infiniment de n'avoir pu m'entretenir avec Louis, mais il reste d'autres indices à suivre. Retenez ceci. Mieux vaut que la police ne découvre point le meurtrier de Wei Wong. Si les policiers mettent la main dessus, ils cueilleront le fruit avant sa maturité. Il vaut mieux que nous nous chargions de l'affaire. Souhaitons qu'ils ne trouvent rien. Avec le commissaire, nous n'avons pas grand-chose à craindre. Tout lui paraît énigmatique, fit Shan en riant. Je l'approuve, mais le capitaine Bliss se montrera peut-être moins naïf. Tenez-vous sur vos gardes, Charlie, ou il vous jettera en prison. Ce sera pour moi une nouvelle aventure. Le détective sergent Shan sous l'inculpation de meurtre. J'en rirai probablement de retour chez moi. En attendant, cette perspective ne me sourit guère. Je vous souhaite une bonne nuit, bien chaude. Une minute, interrompit Eden. Mardi après-midi, Madden attendra le messager de mon père. Que faire alors ? Shan haussa les épaules. Ne vous tourmentez pas. En 2 jours, il peut se passer bien des choses. Il sortit doucement. Le lendemain matin, à la fin du petit déjeuner, on frappa à la porte de la maison et Thorne alla ouvrir. Will Holley entra. « Oh !» fit Madden en le voyant. « Encore vous ?»« Évidemment !» répliqua Holley. « En tant que journaliste, je ne puis laisser passer le premier assassinat commis dans la région depuis des années. À propos, voici un quotidien de Los Angeles. Notre interview figure en première page. » Madden prit la feuille, sans manifester beaucoup de curiosité. Par-dessus son épaule, Bob Eden lut en manchette. Une ère de prospérité annoncée par le fameux mania P.J. Madden, interviewé à son ranch. Il prévoit une reprise sensationnelle des affaires. Madden parcourut distraitement l'article, puis il dit « Votre article apparut également dans la presse de New York. » « Certes, ce matin, toute la presse américaine le publie. Monsieur Madden, nous sommes, vous et moi, des hommes célèbres. Et alors, ce pauvre Louis ?»« Ne m'en parlez pas. Quelqu'un imbécile l'a frappé. Votre ami Eden pourrait vous renseigner mieux que moi. » Il se leva et quitta la pièce. Eden et Holley s'entre-regardèrent, puis sortirent et s'éloignèrent de la maison. « En voilà une affaire bizarre, » dit Holley. « Qui soupçonnez-vous ? » « Thorne. Cependant, Charlie prétend que mieux vaut en ce moment ne pas découvrir le coupable. Il a sans doute raison. Mais le capitaine Bliss, qui est-ce ? » « Un grand braillard qui excelle à arrêter les innocents. Le shérif, un garçon intelligent. Mais daignera-t-il se déranger ? Allons voir du côté où vous avez abandonné l'auto hier soir. J'ai un télégramme pour vous. » Le message changea de main au moment où les deux hommes franchissaient la grille. Bob Eden le lut à l'abri des regards de la maison. « Mon père m'informe qu'il continue à donner le change à Madden et lui annonce que Draycott part ce soir avec les perles. »« Qui ça, Draycott ?»« Un détective privé de San Francisco à qui nous confions des missions délicates. Draycott n'arrivant pas, mon père feindra une vive inquiétude. Pour moi, je déteste ces intrigues et je ne sais comment apaiser Madden si des événements imprévus ne surgissent pas. » À l'endroit où Bob Eden avait arrêté sa voiture pendant qu'il ouvrait la grille, de nombreuses traces étaient visibles, mais on n'apercevait aucune empreinte de pas. « On ne voit même plus la trace de mes chaussures, » observa Eden. « Faut-il en déduire que le vent a soulevé le sable et effacé ?»« Pas du tout. Quelqu'un est venu ici avec un balai. »« Quelqu'un ? Thorne, évidemment. » Ils se rangèrent pour laisser passer une automobile qui se dirigeait vers la cour de Madden. « Voilà Bliss, accompagné du commissaire, » annonça Holley. « Nous ne leur fournirons aucun renseignement, n'est-ce pas ?»« Entendu. Qu'ils quittent le ranch au plus vite. Tel est le désir de Shan. » Ils attendirent dans la cour. De l'intérieur, leur parvenaient les voix de Thorne et de Madden parlant aux deux officiers de police. Au bout d'un moment, Bliss sortit, suivi du millionnaire et du commissaire. Le capitaine Bliss salua Holley comme un vieil ami et le journaliste lui présenta Eden. « Monsieur Eden, » dit le capitaine, « je désire précisément vous entendre sur cette bizarre affaire. » Bob considéra avec dégoût ce type vulgaire du gros policier, aux pieds plats et dont les yeux ne reflétaient aucune intelligence. Il fit un récit fidèle du triste événement survenu la veille. « voilà qui me paraît étrange. Je vais d'abord jeter un coup d'œil sur le théâtre du crime. » « Vous n'y découvrirez rien, » remarqua Holley, « sauf les traces des chaussures de ce jeune homme et des miennes. Nous venons nous-mêmes d'y faire une petite inspection. »« Tiens, tiens !» s'exclama Bliss d'un air sarcastique. Suivi du commissaire, il se dirigea vers la grille. Tous deux revinrent, après un examen sommaire. « Quelle énigme !» s'écria le commissaire. « Pour vous, » dit Bliss en ricanant, « et le Chinois. Réfléchissez un peu. Il occupe ici une bonne place, n'est-ce pas? Le retour de Louis la lui faisait perdre. » « Des bêtises !» protesta Madène. « Vous trouvez? Moi, je connais les Chinois. Rien de plus simple pour eux que d'enfoncer un couteau dans le corps d'un des leurs. » À cet instant, Hakim apparut au coin de la maison. « Et là-bas ! » cria le capitaine Bliss. Bob Eden commençait à s'inquiéter. Hakim s'approcha. « Vous vouloir me voir, monsieur ?»« Oui, nous allons vous faire en prison. »« Pourquoi, monsieur ?»« Pour avoir tué Louis Wong. Ne croyez pas que vous allez nous échapper. » Le Chinois considéra d'un œil terne cet imbécile policier. « Vous êtes le fou, monsieur !» Le visage de Bliss se durcit. « Attendez, vous allez voir si je suis fou. Racontez-moi tout de suite votre crime. Vous ne vous en trouverez que mieux. »« Crime ? Quel crime, monsieur ? » ?»« Dites-moi comment vous avez planté votre couteau dans le corps de votre compatriote hier soir. »« Peut-être vous le trouvez le couteau, monsieur ?» demanda le malicieux Hakim. « Peu vous importe. Les empreintes des doigts du pauvre vieux Hakim sur le couteau, hein, monsieur ?»« Taisez-vous. » Vous vu trace pantoufle velours sur le sable, monsieur ? » Bliss le regardait sans répondre. Vous, espèce de policier à la manque, c'est moi qui vous le dis. Holley et Eden échangèrent un coup d'œil plein d'une douce joie muette. Je vous en prie, capitaine Bliss, dit Madène, vous n'avez aucun motif d'inculper mon domestique. Si vous me l'enlevez sans preuve sérieuse, vous le paierez cher. Eh bien, je sens qu'il est coupable. Plus tard, j'en établirai la preuve. D'abord, pourquoi êtes-vous venu dans ce pays ? Demanda-t-il, les yeux soudains étincelants. Moi, citoyen américain, monsieur, né à San Francisco, 45 ans à présent. Vous êtes né en Californie ? Vous avez donc des papiers ? Montrez-les-moi. Le cœur de Bob faillit lui manquer. Beaucoup de Chinois ne possèdent point de passeport, et il suffisait que Chan n'en produisît pas pour que ce stupide policier l'arrêtât sur l'heure. « Pressez-vous !» hurla Bliss. « Quoi vous vouloir, monsieur ?»« Vous le savez très bien, vos papiers. Montrez-les-moi où je vous arrête. »« Ah, mes papiers. Très bien, monsieur. » Et sous le regard étonné de Bob Eden, le petit Chinois tira de sa blouse une feuille de papier jaune et la tendit à Bliss. Le capitaine la lut et, l'air ennuyé, la rendit au Chinois. « Bon, mais vous n'êtes pas encore quitte. »« Merci, monsieur. Au revoir. » fit Hakim, qui s'éclipsa en traînant ses savates. « Je vous le disais bien, cette affaire est pleine de mystères, » remarqua le commissaire. « Pour l'amour de Dieu, taisez-vous !» s'écria Bliss. « Monsieur Madène, je vous l'avoue, je suis pris à l'improviste, mais chez moi, l'hésitation ne dure jamais longtemps. J'irai au fond de l'affaire, et vous me reverrez bientôt. »« Je vous reverrai avec plaisir, » dit Madène qui n'en pensait pas un mot. « Si de mon côté je découvre une piste, j'en aviserai le capitaine Brackett. » Bliss et Brackett remontèrent dans leur automobile et s'en allèrent. Madène rentra chez lui. « Je m'attendais à une catastrophe, » dit Bob, « mais ce bon vieux Charlie songe à tout. » Holley grimpa dans sa voiture. « Madène ne semble pas disposée à me retenir à déjeuner. Aussi, je me sauve. Mais je ne me désintéresse pas de cette énigme. Je ne sais où nous allons. Sans Charlie, je me trouverais fort embarrassée. »« Oh, vous ne manquez pas de flair, » dit Holley. « Espèce de policier à la manque, monsieur !» dit Eden en riant, comme le journaliste s'éloignait. De retour dans sa chambre, il trouva Hakim, tranquillement occupé à faire le lit. « Charlie, vous êtes un as !» lui dit Bob après avoir fermé la porte. « Quel passeport avez-vous ? » « Le passeport du dénommé Hakim, parbleu. »« Et qui est Hakim ?»« Un modeste marchand de légumes qui me transporta de Barstow à Eldorado dans sa camionnette chargée de produits maraîchers. » Je me suis arrangé pour lui louer ses papiers pendant quelques jours. Une vieille photographie, qui a longtemps traîné dans les poches et a perdu toute ressemblance avec l'original. Je craignais que Madène ne me demandât une pièce d'identité en m'engageant à son service. Il ne m'a rien réclamé, mais je ne regrette pas d'avoir pris cette précaution. Je vous admire une fois de plus, Charlie. Mon père et les Jordan pourront se montrer généreux envers vous. Je considère tout ceci, dit Chan en hochant la tête, comme un divertissement de vacances. quand enfin je démêlerai le nœud de l'affaire, je m'estimerai amplement récompensé. » Il s'inclina et sortit. Quelques heures plus tard, Bob Eden et le millionnaire, assis dans la grande salle, attendaient l'heure du lunch. Madeleine parlait encore de son désir de retourner à New York le plus vite possible. Soudain, sur sa face rouge, apparut une telle expression de contrariété que le jeune homme en fut frappé et tourna la tête de côté. Il aperçut, debout dans l'encadrement de la porte, un homme aux épaules voûtées, porteur d'une valise. Le petit naturaliste du café de l'Oasis. « Monsieur Madeleine ?» demanda le nouvel arrivant. « C'est moi. Que me voulez-vous » L'étranger entra et posa son sac. « Je m'appelle Gamble, Thaddeus Gamble. Je m'intéresse particulièrement à une certaine espèce d'animal très répandue aux alentours de votre propriété. Je possède une lettre de recommandation d'un de vos vieux amis, le président d'un collège qui a été favorisé de vos largesses. Si vous voulez avoir la bonté de la lire... » Il tendit la lettre et Madeleine la prit en regardant le naturaliste d'un air peu aimable. Quand le millionnaire eut parcouru la courte missive, il la déchira en menus morceaux qu'il lança dans la cheminée. « Vous désirez demeurer ici quelques jours ? Cela m'obligerait beaucoup. Naturellement, je paierai mon écho. » Madeleine fit un geste de la main. Hakim entrait et se dirigeait vers la table de lunch. « Hakim, un autre couvert, » ordonna Madeleine. « Conduisez Monsieur Gamble à la chambre de l'aile gauche, la chambre voisine de celle de Monsieur Eden. »« Je vous remercie, » fit Gamble. « J'essaierai de vous donner le moins de dérangement possible. Il me semble que l'on va déjeuner. Vous m'en voyez ravi. L'air du désert, sans doute. Monsieur, je reviens dans un instant. » Il suivit Hakim, et Madeleine, le visage empourpré, le regarda s'éloigner. Bob Eden comprit qu'une nouvelle énigme s'offrait à lui. « Le diable l'emporte !» s'écria Madeleine. « Je ne pouvais faire autrement que de me montrer poli à cause de cette lettre. Vous comprenez ? Bon Dieu ! Que je voudrais donc partir d'ici ?» Bob Eden était de plus en plus perplexe. Qui était ce monsieur Gamble ? Et que venait-il faire au ranch de Madeleine ?